vous voulez la batterie ? Ça, j'ai la gorge. Ça fait mal. 120. 120. Aïe, aïe, aïe. Putain, il n'y a plus de son. Hein. Yeah. joue là, mais je sais pas comment on fait avec les doigts. J'arrive pas à jouer. Non, mais le placement. Je sais plus comment on fait ça. Merde, putain, un petit barré. Mais si tu fais un accord normal, mi, ré. Non, ça sonne pas pareil, toi. Déjà il est fort. Merde. applications de merde. Il y a un dos CCM. C'est bon. pas du tout en jardin. Pas du tout ensemble. J'aime bien trouver des trucs qui vont derrière. T'sais. J'ai bien aimé celui-là. Tu l'as pas écouté ça, Titi? Attends, je lui fais voir, je lui fais écouter. Ouais, j'avais pas vu. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce qu'il veut, le hacker? Ils ont rien à foutre de la journée, hein. Je fais n'importe quoi. Ça passe pas. Bon, où Titi? Je vais voir chez nos observeurs. Qu'est-ce qu'il fout? Ah bien, on va foutre le bordel un peu. Hey, y'a Bilos. Bilos, il joue. C'est complet. La salle est complète.